charbonner, pas trop le gros. Ils vont te rafaler du shit dans le cellophane. J'touche pas la coco. À Marseille quand tu parles trop, on dit que t'as la boco. Le frérot est libérable. J'ai sorti le lambeau. Rafale dans les amygdales. On va te faire danser le mambo. Le lambeau, rampant dans les amygdales, on va te faire danser le mambo.